gens qu'ils s'aiment. Peut-être n'ont-ils rien d'autre à se dire quand ils se promènent. Le chemin est court, le long de la Seine. Ils ont beau faire des détours, c'est toujours le même problème. Ils ont beau prévoir un mariage sans histoire, près des fleurs à la lumière pour les photos de grand-mère. Que c'est long d'attendre, les enfants s'impatientent, papy voudrait descendre. Mon Dieu, que cette photo est lente. Ils ont beau s'offrir des cadeaux à la belle, et voilà que lui n'a plus d'idées pour elle. Les fleurs se fanent bien plus vite qu'avant. Il pense plus à son travail qu'à elle, évidemment. Ils ont beau décider de Camille et de Gaëlle, envoyer des faire-part des bébés par email. Les visites se font nombreuses dans l'appartement. Les parents ont des scènes affreuses, ils n'ont plus le temps. Ils ont beau attendre la venue de leurs petits-enfants, grogner contre le temps qui passe et leurs maux de dents. Le café est chaud, ils guettent les passants. Le temps est au beau, ils sortent ensemble.